Abel Nibigira. Eric Ouimana tient les manettes. Bonjour à vous tous qui suivez la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 15 juillet 2020. D'abord l'essentiel. Une femme de la colline Mushikanwa, de la commune Gihogazi, nous sommes en province, car aussi a été tuée puis son corps brûlé. C'est après son enlèvement le 6 juillet de la semaine passée. Au sommaire également, ces vieux véhicules garés dans les enceintes des services publics. Nos reporters ont constaté ce mercredi des épaves qui visiblement datent de longtemps. Vous aurez les détails. À Kayanza, on rapporte des plaintes des élèves du lycée technique et secondaire dont les résultats de l'année scolaire 2019-2020 n'ont pas été proclamés car ils ont été confisqués par la représentation légale de cet établissement scolaire. Dans la rubrique « Parlez, rassure-moi », l'on va vous parler des discours ambivalents, erreurs, conséquences, ce n'est que l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, le collectif des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes des conflits sociopolitiques Caravi en sigle demande la contribution de la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme en plaidant pour la libération de Terence Mouchano dans une lettre que le Caravi a adressée à la CNIDH. Ce mardi, le Caravi considère l'arrestation du secrétaire général de l'association à ces génocides de Chirimoso d'arbitraire et enfreignant au droit d'expression. Le Caravi demande ainsi à la CNIDH de saisir de son cas et de faire respecter les droits qui sont garantis à tout citoyen burundais. De son côté, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dit suivre de près ce dossier. La permanence zonale du parti CNL à Rugari de la commune et province Muyinga a été vandalisée la nuit dernière par des inconnus. Des individus munis d'objets métalliques ont détruit les portes et fenêtres laissées sur place et ont partiellement détruit la façade principale du bâtiment. Le propriétaire de la maison et des responsables du CNL à Muyinga réclament des enquêtes judiciaires. C'est la deuxième fois que cette permanence soit ciblée. En novembre de l'année passée, des inconnus l'avaient vandalisé de la même manière. Les enquêtes annoncées n'ont abouti à aucun résultat, regrette cette formation politique. Donatien Richa, qui est chef de zone Rugari, appelle à la cohabitation pacifique. Pour lui, rien ne justifierait que des individus s'attaquent à une permanence, alors que même la compétition politique entre les partis politiques est presque terminée. Et je vous le disais en titre, une femme a été retrouvée morte et son corps brûlé à l'aide de l'essence à la colline Mushikanwa de la commune Gihogazi. Nous sommes en province Karusi. La victime était portée disparue depuis le 6 juillet courant, comme le confirme le commissaire provincial de la police qui signale avoir déjà appréhendé un suspect, un pasteur de l'église et de la localité. Elle fait la quatrième personne tuée dans moins de deux semaines. Blaise Pascal Kararumi. Le corps sans vie de Chimlimana Andita, de 20 ans, a été retrouvé ce mardi sur la colline Mushikanwa, où vivait la défunte, dans la zone de Munanila, dans la commune Gihogazi de la province Karusi. Comme le confirme la police, le corps sans vie a été brûlé à l'aide de l'essence et signale que les malfaiteurs qui l'ont exécuté et brûlé son corps ne sont pas encore connus. Sa famille fait savoir, de même que l'administration à la base, que la nommée Chimilimana Anita était portée disparue depuis mardi passé, le 6 de ce mois, et qu'en collaboration avec les responsables administratifs, il l'avait cherché mais en vain. Le commissaire provincial de la police indique qu'un suspect est déjà aux mains de la police, un pasteur d'une église protestante de la localité. Donatien Viziman a dit que des enquêtes sont en cours en vue d'appréhender ces malfaiteurs non encore connus et pouvoir les traduire devant la justice. Mais aussi, il signale que cela permettra de connaître les mobiles de son meurtre. Chimilimana Anita fait la quatrième personne tuée dans les deux semaines de ce mois de juillet dans la province Karusi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararumiye. Je vous le disais tout à l'heure, des épaves de différentes catégories de voitures s'observent entassées dans les enceintes de certaines infrastructures publiques. Le constat est que certaines de ces épaves datent de longtemps. Moïse Misagwa fait le tour sur ces établissements publics et son reportage. Lors de notre passage ce mercredi matin dans différentes enceintes des institutions publiques, des épaves de véhicules de toutes marques stationnent dans les parkings au campus Mutanga de l'Université du Burundi. Derrière le rectorat, on y voit des bus et des voitures qui ne sont plus fonctionnelles. Même situation au siège de la Régie nationale des postes au centre-ville de Bujumbura où dans le parking se trouvent des minibus de couleur jaune en piteux état. Dans les enceintes du programme national de santé de la reproduction, tout près du bureau du Centre national de transfusion sanguine, on y voit des épaves de véhicules, entre autres des doubles cabines. La plupart de ces automobiles manquent de pièces comme les pneus, des moteurs, des portières et autres. Au bâtiment communément appelé Grand Bureau, les mêmes épaves s'observent dans le parking. Le constat est que le stationnement de ces véhicules hors usage date de longtemps. Merci Moïse Misago. Après une courte pause, page éducation rendez-vous. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans les yeux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Éducation, comme je l'annonçais, grogne de certains élèves du lycée technique secondaire de Kayanza qui n'ont pas obtenu les résultats de fin d'année scolaire 2019-2020. La direction de cette école avance que cela est dû à la confiscation des documents contenant les points des élèves par la représentation légale de l'école ce vendredi dernier. Au bureau provincial de l'éducation à Kayanza, on demande à la représentation de l'école de remettre ces documents à la direction afin de rétablir ces élèves dans leur droit. Patrick Nsengeyoum. Selon les informations fournies par la direction de cette école, c'était vendredi dernier, après la première séance de délibération des résultats de fin d'année, quand un des membres de la famille et de la représentation légale de l'école avait accaparé tous les documents sur lesquels étaient enregistrés les points des élèves. Vincent Zobonima, préfet des études, fait savoir que ces documents étaient constitués des fiches de points, des palmarès de résultats, ainsi que les bulletins des points des élèves. Les mêmes sources indiquent encore que cette personne a confisqué ces documents, avant ça comme motif qu'il y a des élèves qui sont redevables en ce qui est du paiement du Minerval. Certains des élèves qui présentaient des cas à étudier, contactés à ce sujet, font savoir qu'ils ont déjà payé ces frais de scolarité, mais qu'ils ne sont pas encore programmés de les résultats. Interrogé le directeur de l'école à ce propos, Jumapil Mitegano indique que la destination de ces documents reste inconnue. Des conséquences à cette situation, en ce que ce soit les élèves des classes montantes qui devaient repasser les examens de repêchage, ou bien même les élèves finalistes qui devaient se préparer à temps à l'examen d'État, tous indiquent que nul ne sait rien sur sa situation. Suite à cette situation, les administrateurs à cette école affirme qu'ils ont fini par adresser des lettres de démission à la représentation de l'école. Les éducateurs à cette école et les élèves aussi bien que les parents des élèves tous demandent aux autorités en charge de l'éducation à Kayanza de suivre de près cette situation. Désiré Ratungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, promet que dans un proche avenir, une issue favorable à cette question sera trouvée. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Guillaume va de Kayanza, rendons-nous à Chibitoke où les malades sollicitant le service de radiographie à l'hôpital de Chibitoke s'indignent qu'ils prennent de longs trajets pour faire des tests irrelatifs, d'autant plus que ce service n'est pas fonctionnel. Le médecin directeur de l'hôpital Chibitoke affirme que l'appareil est en réparation et rassure que bientôt il sera fonctionnel. Alexine Daïraguilé depuis Chibitoke, correspondance. Selon le médecin directeur de l'hôpital Chibitoke, le service de la radiographie vient de passer une année étant non fonctionnel. Les malades qui sollicitent ce service doivent se rendre à Bujumbura, à Gihanga, à l'hôpital de Wanza. Certains préférant ne pas faire les examens relatifs suite au manque de moyens de déplacement vers ces hôpitaux si cités. Les gens ayant besoin de ce service demandent que l'appareil qui ne fonctionne pas soit réparé pour diminuer les dépenses. Jean-Claude Mugisha, médecin directeur de l'hôpital Chibitoke, tranquillise que bientôt son service sera fonctionnel, qu'il ne reste qu'une seule pièce pour le fonctionnement de cet appareil. Toutefois, il informe à la population que le service de la chirurgie est fonctionnel puisqu'un médecin chirurgien est déjà recruté dans cet hôpital. Depuis Chibitoke, Alexine Daïraguije, Radio Isanganiro. Merci Alexine Daïraguije. Le 15 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des compétences des jeunes. et des jeunes chômeurs. Membres de la coopérative Ekosaka œuvrant dans la fabrication des savons dans la commune Kayogoro en province Makamba, trouvent que leurs activités vont en décrescendo suite à la mesure présidentielle de la réduction des prix du savon d'Ibururu. Et cela, malgré le pas qu'ils avaient franchi, trouvent-ils. À cet effet, ces jeunes lancent un appel à l'État de vouloir bien payer 50% pour leurs clients et que ces derniers paient à leur tour les 50% restants pour que, dans ces circonstances, leurs activités puissent continuer à porter des fruits. Jérôme Hakitimana. Ces membres de la coopérative Kosaka, dont les jeunes chômeurs en commune Kayogoro, se réjouissent de l'étape déjà franchie, faisant preuve du travail en commun, car, soulignent-ils, ils sont en mesure de se satisfaire à leurs besoins fondamentaux. Toutefois, ils disent être inquiets de la mesure présidentielle, portant la réduction du savon d'Ibururu. Leurs activités sont déjà impactées, compte tenu du taux d'écoulement de leurs produits, constate Etienne Bikolimana, l'un des membres du comité de cette coopérative, bien qu'il affirme comprendre combien cette mesure est importante au pays. Ce constat est partagé avec Eraste Nijimbere, le responsable de cette coopérative. Ce dernier, se mettant à la place des clients, dit que lui aussi ferait de même. Au moment où ces jeunes chômeurs indiquent qu'ils s'étaient mis ensemble dans la logique de s'auto-créer de l'emploi afin d'éviter d'être manipulés par des personnes mal intentionnées, voulant parvenir à leurs intérêts, ils craignent que ces rêves ne deviennent une réalité. À cet effet, ils demandent que l'État leur vienne en aide en payant leurs clients 50% du prix normal, les 50% restants, pour que leurs efforts continuent à porter leurs fruits comme c'était le cas avant. Cette coopérative Kosaka engorge les membres qui dépassent un peu 300 jeunes chômeurs de la commune Kayogoro. Jérôme Hakizimana, c'était Journée mondiale des compétences des jeunes, donc arrive au moment où le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, UNESCO en sigle, montre que plus d'un jeune sur six est sans emploi en raison de Covid-19. Les jeunes étant appelés à contribuer à l'effort de relèvement, ils devront avoir la flexibilité et la résilience nécessaires pour s'adapter et faire face à des défis qui seront en constante évolution, fidèle d'Antoine Sabimana. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, l'objectif de cette journée est de reconnaître l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l'emploi, le travail décent et l'entrepreneuriat, et de souligner le rôle crucial des jeunes qualifiés pour relever les défis mondiaux actuels et futurs. L'édition 2020 de la Journée mondiale des compétences des jeunes se déroule dans un contexte tout à fait exceptionnel. La plupart des gouvernements du monde ont temporairement fermé des établissements d'enseignement afin de contenir la propagation de la pandémie de Covid-19. Ces fermetures nationales affectent plus de 60% de la population étudiante mondiale, estime l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Plusieurs autres pays ont mis en place des fermetures localisées affectant des millions d'apprenants supplémentaires. Une enquête réalisée par l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail, OIT, la Banque mondiale, auprès d'organismes d'enseignement et de formation technique et professionnelle, révèle que l'apprentissage à distance est aujourd'hui devenu le moyen le plus courant de transmettre des compétences, ce qui entraîne des difficultés considérables en termes de préparation, d'adaptation des programmes, de connectivité, d'évaluation ou de certification des stagiaires et des formateurs. Actuellement, plus d'un jeune sur six est sans emploi en raison de Covid-19. Les jeunes étant appelés à contribuer à l'effort de relèvement, ils devront avoir la flexibilité et la résilience nécessaires pour s'adapter et faire face à des défis qui seront en constante évolution. Une résolution de l'ONU visant à établir la Journée mondiale des compétences des jeunes a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 18 décembre 2014. Parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi, le conflit intra-groupe peut être l'une des causes de discours ambivalents dans leader de ce groupe, Chartier Nyungeko, expert en résolution pacifique des conflits, fait savoir que le discours ambivalent déstabilise les esprits de ceux qui les entendent et par conséquent, cela peut provoquer des violences et de masse. On est là mucho plus pour plus de détails. Le discours ambivalent peut être à l'origine de plusieurs sources. Chartier Nyungeko, spécialiste en résolution des conflits, précise que l'une des causes est liée au conflit, soit intrapersonnel ou interpersonnel. Au fait, quand on parle d'un discours ambivalent, il faut comprendre certaines choses. Le conflit intrapersonnel est un conflit où quelqu'un pense ou a des objectifs incompatibles en lui-même. Ou il y a une situation dans laquelle la personne en question ne parvient pas à savoir sur quel pied danser. Ou, le deuxième type de conflit, c'est le conflit interpersonnel. Alors là, vous comprenez bien qu'il s'agit d'une situation où plusieurs personnes qui sont ensemble pensent ou ont des objectifs incompatibles. Quand on parle de discours ambivalent, c'est surtout un style de communication. C'est des discours ou des messages qu'on entend souvent pendant l'une de ces situations. Il précise que ces discours ou messages ont des conséquences sur l'autre ou à ceux qui les entendent. Si quelqu'un a un langage contradictoire ou aujourd'hui peut partager ses perspectives, veut partager ses opinions, mais après quelques jours, on l'entend changer. Son même leader perd sa crédibilité. Il perd même sa personnalité. Parce que ceux qui l'entendent parler vont le juger selon ses opinions. Ils vont le juger aussi selon ce changement de position. Du côté de cela à qui on s'adresse. Des fois, quand les gens entendent des discours ambivalents, donc ils se posent beaucoup de questions. Ils sont confus, ils sont tendus. Les esprits sont déstabilisés. Et quand vous comprenez que les gens sont déstabilisés au niveau d'esprit, c'est facile que ce genre-là soit susceptible de manipulation, susceptible de violence. Il propose des solutions pour éviter ce genre de discours. Aux gens qui m'écoutent, surtout aux leaders politiques ou à ces autres leaders, surtout qui sont dits de la société civile, parce que c'est surtout cette catégorie de gens qui sont souvent responsables, qui ont souvent des opportunités. Il ne faut pas jouer au message qu'ils lancent ou qu'ils partagent à la population. Parce qu'un message ambivalent ou un discours ambivalent peut être une source de déstabilisation de la population. Il suffit d'avoir un facteur déclencheur. C'est pourquoi qu'ils prennent garde à ce qu'ils partagent. Chartier Nyungeko précise que le discours peut être la source des conflits, d'où il conseille de toujours analyser avant de partager des opinions. Merci Onala Mouche, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous séparer, je vais juste vous rappeler qu'une femme de la colline Mushikanwa de la commune Gihogade de la province de Karusim a été tuée puis son corps brûlé à l'aide de l'essence. C'est après son enlèvement le 6 juillet de la semaine passée. Au sommaire également, ces vieux véhicules garés dans les enceintes des services publics. Nos reporters ont constaté ce mercredi des épaves qui visiblement datent de longtemps. Vous avez entendu les détails. À Kayanza, l'on a rapporté des plaintes des élèves du lycée technique et secondaire dont les résultats de l'année scolaire en 2019-2020 n'ont pas été proclamés car ils ont été confisqués par la représentation légale de cet établissement scolaire. Et dans la rubrique « Parlez, rassure-moi », vous venez d'entendre des discours ambivalents et leurs conséquences. Point final à cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je dis également merci à Eric Ouimana qui l'a mise en onde, Deline Ibel Nibigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.